Charlie & Co. Charlie and Co. Charlie & Co. Bonjour à tous, comme d'habitude sur Fadjet, Charlie & Co vous emmène en balade sonore dans les quartiers de Nancy et son aglo à la rencontre de ceux qui les animent, associations, événements solidaires ou culturels, initiatives citoyennes, tout type d'action des acteurs locaux sur le territoire. Et aujourd'hui, petit tour à la bagagerie du 32. Comme à chaque fois, on démarre notre périple du 47 rue Charles III, vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. Et direction la bagagerie du 32, à 3 minutes des studios de Fadjet, au 32 rue Sainte-Anne. On descend la rue Saint-Nicolas et nous voilà déjà arrivés à la bagagerie du 32. On sonne et on rentre. Alors moi c'est Owen, je suis service civique depuis 2 mois, et ça fait 2 mois du coup que j'ai rejoint la Croix-Rouge. Moi c'est Stanislas, j'ai rejoint la Croix-Rouge aussi depuis 2 mois et je suis en service civique aussi. Alors concrètement la bagagerie comme son nom l'indique, c'est fait pour que les sans-abri puissent mettre leur bagage en sécurité. On peut aussi laver leur linge. Et la bagagerie du 32, ça se veut un peu comme un refuge, un endroit calme où les gens, les sans-abri mais même aussi toutes les personnes qui veulent peuvent trouver un moment de paix et de calme dans la journée. Ils peuvent se réchauffer en buvant un café, une boisson froide ou alors simplement en jouant à des jeux. Les jeux de société avec eux, des moments comme ça, c'est super pour justement créer un lien avec eux. On a à peu près une quarantaine de bénéficiaires actuels qui utilisent les casiers et la laverie. Mais on a vraiment une centaine de personnes chaque mois qui vient sans être inscrit, juste simplement boire un café, prendre un peu de réconfort. Quand est-ce que celle-là, donc la bagagerie à Nancy, a ouvert ? Elle a ouvert le 1er décembre, elle a été inaugurée aussi le 1er décembre. Est-ce que vous avez des actions, des activités un peu à long terme, des projets vraiment qui vont se concrétiser Des projets déjà qu'on a en tête, c'est moi je voulais ouvrir une salle ludique avec une bibliothèque, des jeux de société que moi-même je peux fournir ou faire des collectes de dons. C'est le CCAS qui souhaite installer des cours de français, notamment pour les Ukrainiens. Merci à Jean-Paul et à Pierre donc d'avoir porté le projet pour la Croix-Rouge. Et alors, est-ce que tu regardes les dualités, les 5 ans, par exemple ? 5 ans, non, j'aime pas. Non, c'est ça rassemble des gens connus et des gens pas très connus. Axel, 23 ans. Quand je discute avec ici, j'ai pas le même sujet de discussion. On discute plus facilement de sujets anodins, quoi. Des sujets qu'on n'a pas l'habitude de discuter. Ici, ça a ouvert récemment. Comment t'as entendu parler ça ? Oh, 34. J'allais à l'époque au repas du soir et que certains des bénévoles du repas du soir me disaient que ça allait ouvrir, quoi. Je suis là depuis le tout début, en fait. Qu'est-ce que t'aimes le plus ici ? La convivialité. Et l'accueil, parce qu'on est toujours bien accueillis, quoi. Oui, tu sais que ça va être... Et tu peux faire les nouvelles saisons, les anciennes saisons. Moi, c'est Léonie Lambert, j'ai 20 ans. Et à côté de l'asso, je suis étudiante en 3e année de droit à la fac de Nancy. Je suis aussi bénévole Croix-Rouge, donc pour être donc, à la bagagerie. Depuis, en fait, décembre. On essaye de les faire se sentir bien et d'être en fait de se comporter avec eux comme on se comporterait avec n'importe qui, ce qui crée vraiment un espace en fait de convivialité. Et je pense qu'ils viennent pas pour un but précis, mais juste pour passer du bon temps. Et moi, c'est exactement pour ça que je viens aussi, c'est pour ça que je continue de venir. Donc je me suis rendu compte que juste ça me faisait trop de bien et je pense que c'est ce qui les attire ici. Plus de la chaleur, des petits gâteaux, des petites boissons qu'on leur propose, c'est pas mal de choses qui font qu'ils se sentent bien, je pense. Pourquoi tu as décidé de rejoindre cet asso et pas une autre ? Pas une autre. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée aux personnes de la rue parce que je pense que c'est vraiment des gens qui ont énormément à nous apprendre. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être super intéressant, surtout que c'était vraiment une asso qui venait de débuter. Et le fait de pouvoir prendre part dans un projet qui se lance, c'est aussi pouvoir être à l'initiative de plein de projets. Je me suis trouvé une place pour donner des cours de français parce qu'il y a eu des migrants qui sont arrivés. Il faut s'adapter aux besoins qu'il y avait dans la bagagerie pour proposer... Des petites actions en fonction des besoins, quoi, des personnes. Pour être bénévole, c'était ma crainte. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aurais à apporter aux gens ? Mais en fait, c'est juste du bien-être, de l'envie de discuter, et ça suffit pour être bénévole. Et aussi, deuxième chose, c'est que c'est pas du temps perdu, c'est du temps de rentabiliser, parce que c'est clairement des moments où... des moments de plaisir d'être là, et... Ça permet de respirer, en fait. Et je pense qu'il faut prendre ce temps-là, en tout cas. C'est du temps que j'ai envie de donner pour cet asso et du temps qui me fait du bien. Du coup, tu as parlé un peu de tes études, mais comment tu fais pour lier études et vie associative? Et ben, je trouve que c'est ça l'avantage d'être dans l'associatif et pas d'avoir un travail, c'est que en fait, je peux venir quand j'ai l'occasion de venir. Comment tu qualifierais la relation que tu as avec les bénévoles? Ben, des gens s'appellent les zouzous sur un groupe, je pense que ça en dit beaucoup, mais c'est vraiment une relation hyper cordiale et joviale parce que on est tous contents de se retrouver. Tu voulais remettre des épisodes bah. Non, mais moi, c'est aussi. Regarde, c'est Massinger. Massinger, c'est un... Je suis François Barthélémy. Je suis en retraite depuis 3 ans. C'est pour ça que je participe beaucoup au bénévolat. Je fais du bénévolat depuis l'âge de 18 ans. Hein. Toujours trouvé un petit moment. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez toujours eu envie d'aider ou d'être en relation avec votre prochain? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par ça. Même quand je travaillais, j'arrivais toujours à me caser une heure ou deux pour faire une activité bénévole. Qu'est-ce que vous diriez pour motiver quelqu'un à faire du bénévolat? En général, pour devenir bénévole, ben, déjà, il faut que ce soit pas une passion, mais qu'on soit bien motivé. C'est sympa, on rencontre des tas de gens, on fait des activités. T'as ça au fond de toi ou pas? Mais ça peut aussi arriver plus tard. Comment vous, personnellement, vous avez entendu parler de la bagagerie? Parce que j'habite pas très loin. J'ai participé à l'inauguration le 1er décembre et puis je me suis lancé. Et je ne le regrette pas. Ça fait plaisir personnellement, puis aux gens qui sont accueillis aussi. Et puis on tisse des liens. À force de voir toujours les mêmes personnes. Alors, des bonnes pommes ou pas? Si, elles sont bonnes, bien juteuses. Ah, elles vont être bonnes. Ouais, ça c'est carré. Benoît. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici? L'accueil déjà, ça, on a bien été accueillis déjà. Vu que ça, il n'y a pas si longtemps que ça s'est ouvert, ils commencent à proposer des choses pour dire de nous occuper, des jeux de société, de la cuisine comme là, la tarte et tout. Et c'est ça qui me plaît, moi. Et ça nous permet aussi de faire autre chose que traîner dehors ou dans les rues. C'est largement mieux, quoi. Après, il y a pas mal de personnes que je connais. Donc ça va, on s'entend plutôt bien. Ben, quand on me propose de faire une tarte aux pommes comme aujourd'hui, ben, je le fais, mais c'est de bon cœur et pour tout le monde. Quoi. Et dire qu'on puisse le partager aussi, tous ensemble. À la bagagerie, est-ce que vous rappelez d'un moment qui vous a marqué? Ben, les crêpes que j'ai fait la dernière fois, ça c'était un moment agréable, hein, et que j'ai apprécié de faire. Tout le monde était content, tout le monde me disait que c'était bon et tout. Non, si, on peut pas dire qu'on est en difficulté, que ce soit pour manger. Avec toutes les associations qu'il y a, moi je mange bien tous les jours. Il y a toujours des solutions, des endroits où trouver à manger. Avant de se quitter, on vous rappelle quelques infos. La bagagerie est située au 32 rue Sainte-Anne à Nancy. Elle ouvre de 15h30 à 18h30 du lundi au vendredi. La Croix-Rouge et la Métropole de Nancy sont en charge de la bagagerie qui accueille des sans-abri, des personnes en difficulté, leur propose des casiers pour leurs affaires, du réconfort et de multiples activités. Pour plus d'infos, veuillez contacter la Métropole ou la Croix-Rouge. Voilà, Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite pour de nouvelles aventures dans les quartiers de Nancy et son agglo. En attendant, retrouvez tous les podcasts sur le site de la radio, fadjet.net. Ciao !